La pharmacie. Прослушайте текст. Как вы думаете, аптекарь поступил правильно? Почему? Monsieur Girard travaille dans une pharmacie. Il habite le village de Jeumont, près de la frontière franco-belge. C'est un homme assez important. Tous les gens du village lui demandent conseil quand ils ont des ennuis. Pour les habitants de Jeumont, Monsieur Girard est plus qu'un pharmacien. Il est aussi un médecin, un avocat et un ami. Le petit Georges, un garçon de 8 ans, entre dans la pharmacie en courant et demande un médicament pour les maux d'estomac. Le pharmacien, sans examiner le garçon, lui tend un verre de liquide jaune. « Bois-le tout de suite, Georges, vide-le !»« Mais monsieur Girard, » dit le garçon en essayant d'expliquer quelque chose, « je n'ai pas le temps de discuter. Bois-le. Si tu as quelque chose à dire, parle-moi plus tard, j'attends. » Le garçon commence à boire d'un air malheureux. Il regarde désespérément M. Girard qui crie « Enfin, bois-le !» Quand il n'y a plus de médicaments dans le verre, M. Girard dit à Georges « Très bien, mon petit. Maintenant, tu peux parler. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je t'écoute. » « M. Girard, » dit le garçon en observant tristement le verre vide, « vous vous êtes trompé, mais maintenant ça n'a plus d'importance. Ce n'est pas moi qui ai mal à l'estomac, c'est mon petit frère qui est malade. »